parce que tous à la quête du Graal. La haine sur Sion s'installe, social se ressent sur freestyle. Les mots déballent la bouche pour flingue, si beau style et austère. Dans la main toujours à vie, et des feuilles cachées dans mon holster. J'ai le truc qui plaît, parce que trop peu à être pro. Car quand l'argent se mêle à la prose, on est peu à ne pas en faire trop. Mon verre traque les incohérences de ce système en général. Terre du silence, où l'État s'enrichit sur le désespoir social. Seul contre tous, on les pousse et bouscule. Parfois si minuscule que la fierté des blancs encule le ridicule. Et ben cœur noir, l'âme pourrie, ma rage augmente et mûrit. J'ai les mots qui tranchent souris parce que ça penche et punit. Rebloque, sosie, dans tous les halls ça se voit de frère. Et derrière sourire des frères, personne n'est dupe mais tout le monde reste fier. Prétention de côté, je débarque avec intention pure. Au sky qu'on cache carbure et dès que ça monte, c'est la déchirure. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Et ben, elle tue Diane Antonio, part au combat. Mission suicide, la tête au terre comme un soldat. On vise l'extrême, un système, un état. Tous les frères qui sont en bas. Suicidaire et notre action, rien à foutre si ça te plaît pas. Que tous les insoumis de ce pays lèvent le doigt. Trop de beaux discours, on court toujours et voit le résultat. L'équipe, un des types cotés, à moitié fêlé, bête d'éthique, mâche toquée qui flirte avec le narcotique. Pas d'héros, pas de crack, pas de peau, nique la bac. J'passe à mes potes qui braquent, quand t'es sur la main dans le sac. À chacun son mode de vie et à chacun sa survie. On se détruit pour des yébis sans même penser à autrui. À ton avis, à qui la faute si les événements s'accentuent? Y'a des gosses qui s'entretuent et des meufs qui se prostituent. On nous parle du chaume-dû, mais est-ce qu'on en est responsable? Et est-ce que notre présence ici est-elle jugée indispensable? Non, non. Fermeture des entreprises, exportation de leurs usines. L'État nous roule dans la farine, puis on nous dit que c'est la crise. Ma gueule, corruption, intimidation, immigration. Les médias nous font croire ce qu'ils veulent. De la Croatie à Bagdad, meurtrier de Ghislaine Marshall. Bien alors, t'as-t-il vraiment tué Omar Radad? Des liasses brassées, faux coupables incarcérés. Car une affaire d'une telle ampleur se doit d'être classée. Y'a trop d'histoires étranges, trop d'événements qui me dérangent. Toujours les mêmes qui brassent et toujours les mêmes qui mangent. Mission suicide, tous les frères qui sont en bas. Et ben, elle tue Diane Antonio, part au combat. Mission suicide, la tête au terre comme un soldat. On vise l'extrême, un système, un état. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Suicidaire et notre action, rien à foutre si ça te plaît pas. Que tous les insoumis de ce pays lèvent le doigt. Trop de beaux discours, on court toujours et voit le résultat. J'arrive corrosif, exprime ma rage, l'état nous baisse, bouffe les bénéfices. Mission suicide, promesse, adolescence, violence, merde, rien que du stress. Perspective chaotique, système oblique qui blesse. Le bloc ses fréquentations, ses fausses négociations. Enfermé seul dehors parmi les autres, mon impression. Perdu sans repère, apatride, propice à l'échec. Comme dans le passé, j'ai de l'amertume, faut que je vive avec. La jalousie, trahison, déception dans tous les sens. Beaucoup de mes frères n'estiment pas la chance de vivre en France. Faut que j'avance dans ce bordel, c'est au niveau des races. Attitude rebelle, fils d'ouvrier, faites place. J'accepte la critique, respect si bilatéral. Et si ça chauffe Bellec, j'ai le gilet par balle. En perspective le futur, pour l'instant rien de saignant. Je garde la forêt sur mes gardes tout en restant conscient. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Et ben, elle tue Diane Antonio, part au combat. Mission suicide, la tête au terre comme un soldat. On vise l'extrême, un système, un état. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Suicidaire et notre action, rien à foutre si ça te plaît pas. Que tous les insoumis de ce pays lèvent le doigt. Trop de beaux discours, on court toujours et voit le résultat. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Et ben, elle tue Diane Antonio, part au combat. Mission suicide, la tête au terre comme un soldat. On vise l'extrême, un système, un état. C'est pour tous les frères qui sont en bas. Suicidaire et notre action, rien à foutre si ça te plaît pas.